Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Qui sera gagné ton pool, François-Olivier? Le pool de la première grosse neige. Non, j'ai pas gagné. Tout le monde disait 1er décembre, on est le 29 novembre, jeudi 29 novembre, en direct du Sautier Poitrois Bière. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. Et c'est la première neige. C'est la première neige, c'est pas une grosse neige. Je pense que ça va être appelé à disparaître dans les prochaines heures. Ça collera pas, il y aura pas... Ouais, je pense pas, mais... Comme dans Twilight, là, la grosse bataille, là, quand la neige collera au sol. Là. Hein? Ah, Twilight, hein? Oh. Tout ramène à Twilight de cet ancien. Donc, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi. Oui, c'est tout à fait vrai. Émission du jeudi qui va avoir nos chroniqueurs évidemment habituels du jeudi. Par exemple, notre chroniqueur ciné-télé, Maxime Bétuy, à 8h. Oh, oh, oh, oh, oh. Vers 8h30, on va recevoir François Landry et on va parler politique. Tout à fait vrai, mais avant ça, on va avoir des invités spéciaux en première heure, François. Oui, tout à fait. La formation Rouge Pompier va être en spectacle ce samedi. Ils se mettent à Trois-Rivières, donc on va les avoir en entrevue. Et puis, On va tirer sur l'alarme sur de Kevin Bacon. Ah! Oh! on va tirer le bras, le manche. On va leur demander s'ils connaissent vraiment Kevin Bacon. Oh, bonne question. J'aime ça. On t'en a des affaires à dire. On a de la suite dans nos idées. Et on va parler aussi de Monsieur Reptile. Monsieur Reptile qui va venir nous rencontrer. Par contre, ça sera pas Monsieur, je crois que ça va être Madame Reptile ce matin. Donc, on va parler d'une expo, une exposition qui va avoir lieu ce samedi. Encore là, 1er décembre, donc restez avec nous. Ça, c'est vers les 7h30. Parfait, tout à l'heure. Alors, on va aussi faire C'est un fait Kiki Sexy Time Edition en tout début d'émission, mais pour l'instant, voici Ariane Moffat, qui se fait un bout qu'on n'a pas entendu. Hein. C'est Hôtel Amour, 89 FM. Oui, il y a de l'amour dans l'air. Full of love. Hein, c'est comme une première abordée d'amour ce matin. Dans ta face. Se partage, il fait la cour. Je pars pour Tokyo. Dans ma tête, il y a un passage, un vide confortable. L'hôtel amour. just a shell. I'm like a flower with no smell. It's a living hell. Yeah, I'm nobody without you, just a frame. I'm like a fire with no flame. I'm living in shame. Cause you're my sunshine to keep me warm. You're my shelter and my hideout in rainy days and storm. You're my lifeline when I am blue. You pour balm into my wounds. I'm nobody without you. Yeah, I'm nobody without you. Yeah, I'm nobody without you, just a freak. I'm like a bucket with leak. Oh boy, I'm weak. Yeah, I'm nobody without you, just a fool. I'm like a joiner with no tool. Oh, life isn't cool. Cause you're my sunshine to keep me warm. You're my shelter and my hideout in rainy days and storm. You're my lifeline, make me feel new. You give the only love I know. I'm nobody without you. Yes, I'm nobody without you. Yeah, I'm nobody without you. Just nobody without you. Without your loving, without you I am weak. Without your hugging, well I'm nothing but a freak. Without you baby, without you I cannot sing. Without you darling, I'm like a bird who lost its wings. I'm not a thing. Cause you're my sunshine to keep me warm. You're my shelter and my hideout in rainy days and storm. You're my lifeline, a dream come true. You are the only truth I know. I'm nobody without you. Yes, I'm nobody without you. Yeah, I'm nobody without you. Just nobody without you. Nobody Without You de Nicolas Sarcevic. Wow, formidable. Au lieu d'acheter Jack Johnson, ces trucs-là là, à ta copine, achète Nicolas Sarcevic. Femme m'affaire, puis en même temps, c'est moins commercial. Jack Johnson, moins commercial? Mais en fait, c'est accessible aussi. Là, oui, c'est, non, mais c'est, différence entre les deux. Non, tout à fait, tout à fait. Écoute, on s'assinera pas là-dessus. Non. Par contre, Matt, j'attendais d'être en nombre pour t'annoncer. OK. Notre séparation. J'ai peur. Notre séparation. Je suis maintenant un nouveau téléphone. Non! Écoute, Oh, François, je suis content pour toi, mais Caroline, que ça me surprend. Il est rendu avec un Android, tout le monde! Ouais, non, ça c'est exact. Attends, écoute... c'est trop de bonne humeur, cette chanson-là. J'ai une chanson plus triste que ça, je pense. ouais, je pense que c'est celle-là. Non, mais... Vas-y. Ben, j'allais depuis hier soir, en fait. Là. Écoute, j'ai passé une bonne partie de la soirée à... Coucher avec. Ben, à coucher avec... Ouais, à coucher avec, si on veut. À apprendre comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment différent. Oui. C'est vraiment différent dans la fond. Le jour et la nuit. Et, je sais pas, je suis comme entre deux. Je suis pas déçu. Tu t'attendais à mieux ou... Je m'attendais pas à mieux, non. Mais en fait, là, je trouve ça quand même dur de comprendre, dans le sens où j'étais habitué avec mon iPhone 3GS. Là. Ouais. T'avais quand même un vieux modèle d'iPhone. Ça, c'est quel modèle d'Android? C'est un Samsung Galaxy S2? S3. S3. Ouais. Parfait. Donc, t'as le plus récent modèle dans la série des S3. Ça veut dire la DS. Parfait, ça. C'est cool, ça. Exact. Et quand je compare, je me dis, tabarouette, il est immense. C'est ça. Les Android sont souvent beaucoup plus gros qu'un iPhone. Même l'iPhone 5 est extrêmement petit à côté d'un... Même avec le grand écran. Donc, ça fait très différent. Est-ce que tu as les petits boutons back et tout ça en bas qui disparaissent et apparaissent quand ils sont pas actifs? Ça m'aide tout le temps parce que tu t'enfarges dedans. Tu trouves pas? Écoute, je me suis pas enfargé encore. Par contre, j'avoue qu'au début, c'était assez mêlant. Là, tu veux reculer, mettons, sur Internet, n'importe quoi, il faut que tu te rappelles qu'il y a un bouton « back » qui est caché en bas. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais écoute, j'imagine qu'avec la pratique, ça va venir. Ça va venir. Par contre, chose que j'aime bien, c'est vrai que tu peux faire pas mal ce que tu veux. Ben, c'est ça. Comparé à iPhone, tu peux avoir des widgets sur tes écrans d'accueil. Donc, tu peux avoir ta météo, ton Facebook, tes courriels, tout ça, qui pop dans ta face sur l'écran. C'est bien. Et c'est relativement facile pour changer de sonnerie, cette truc-là. Écoute, je l'ai pas encore branché dans un ordinateur. Par contre, ce que je me suis fait dire, c'est que c'est à peu près pareil comme une clé USB. En fait, tu prends ta musique, ta drague dedans. Ouais. C'est pas comme avec l'iPhone qu'il faut que tu synchronises avec iTunes. C'est ça, exactement. Et puis, écoute, tu peux... si je vais chez vous, Matt, je peux prendre ta musique, tu sais. Puis, en fait, là, ça... Il y a beaucoup, beaucoup d'avantages, tout à fait, à avoir un nom. Ça, quand même, je trouve ça cool. Écoute, je suis encore en période d'essai. J'ai 15 jours, si je veux, pour les changer. Parce que tout ton dilemme était entre l'iPhone 4S, je crois. Non, iPhone 5. Je voulais vraiment passer au iPhone 5. Ouais. J'étais prêt. En fait, j'allais là pour ça. Et puis, le vendeur m'a convaincu. Donc, ben, influençable, toi! Non, mais m'a convaincu. Et dans le sens, écoute, je fais quand même confiance. Là, en fait, il en va passer. Et puis, écoute, j'ai pris un 5. Puis... Tu voyais pas la différence. Je voyais pas la différence. Je comprends. Je voyais pas la différence. Par contre, je trouve ça plate parce que j'ai quand même bien aimé mon iPhone. Pendant longtemps. 3GS, pendant longtemps. Écoute, j'ai encore un certain sentiment d'affection envers lui. Par contre, il s'est mis à fermer tout seul, tu sais. Puis je l'ai pas échappé. Je l'ai pas mis dans l'eau. Il était pas correct avec toi, ton iPhone. C'est ça, l'affaire. Puis écoute, ça, sérieusement, ça m'a offusqué, je te dirais. Ouais. C'est un peu le pourquoi... que j'ai voulu peut-être essayer d'autres choses. Écoute, je sais pas. La seule chose qui est plate aussi, c'est que j'ai pas pu transférer mes contacts. C'est sûr. Par tu changes vraiment d'environnement au complet. Non, c'est ça. Par contre, en fait, ça synchronise avec ton Gmail, tous tes contacts. Mais là, en fait, là, évidemment, je disais pas tout rentrer Gmail. Tu avais beaucoup plus de contacts que nécessaire dans ton Gmail. Tout le monde qui a un numéro de téléphone, ça l'analyse tout seul puis ça vient dans ton carnet de contacts. Tu as sûrement un paquet de contacts que tu n'as jamais appelé dans ta vie. Là. Non, c'est ça. Ouais. Et que sûrement, j'appellerai jamais. Là, mais ça synchronise aussi avec ton calendrier, ton agenda, tes événements, tes trucs comme ça. Tout ce qui est Google et dedans, c'est très bien. Ça me semble cool. Ouais. Écoute, c'est sûr que un peu déçu, un peu déçu, je vais dire ça comme ça, là, du visuel, parce que évidemment, écoute, tu l'as dit souvent, et puis vraiment trop souvent. J'étais un peu d'accord avec toi dans le sens où Apple, en fait, c'est quand même liché, c'est travaillé. C'est ça, c'est l'attention aux détails qui est pas là chez Android. Vraiment pas là. C'est tout croche. Android, c'est plate à dire. Sont rendus encore au stade où c'est un petit peu tout croche et fait par des gens qui n'ont pas vraiment de, je dirais, goût. Mais tu sais, reste que tu peux quand même essayer de faire quelque chose plus, un petit peu plus à ton goût. C'est plus modifiable, donc tu peux façonner ça comme tu veux. C'est ça, exactement. Et puis l'écran, sérieux, est hallucinant quand je regarde après ça mon iPhone. C'est ça, toi, t'étais sur un iPhone 3GS, donc avec un écran qui n'était pas Retina Display. Depuis le Retina Display, ça change une vie, ça, parce que c'est tellement beau. Mais évidemment, sur ton Samsung Galaxy S3, c'est un écran, je crois que c'est AMOLED, donc c'est un peu comme sur la PlayStation Vita, c'est très, très, très clair. Ça et Retina, c'est pas mal la même chose. C'est très clean, là, pour vrai. Là, écoute, pas grand chose à dire à ce niveau-là. Et ça, écoute, je sais pas, j'ai pas écouté de musique. J'ai pris de photos encore tant que ça. J'ai pris un peu de photos, là. Évidemment, je l'ai essayé. Beaucoup, beaucoup d'options dans les photos. ça, c'est cool, en fait. J'ai eu de la misère à trouver le flash. Je suis pas habitué encore. Là, non, c'est tout placé à pas même place. C'est comme le contraste. C'est comme Windows PC. C'est vraiment la même chose. C'est la comparaison, je trouvais vraiment plus. Ouais, c'est ça, exactement. Mais écoute, je suis ambigu. J'aime bien. Je m'en cache pas. À savoir, par contre, si ça va t'en faire deux semaines, j'ai hâte de voir. Ouais. J'ai hâte de m'en servir, tu sais. Là, c'est parce que je l'ai comme plus analysé. Aller voir les sonneries, regarder, prendre une photo, justement, downloader certaines applications. Puis, en fait, les applications n'ont pas le même nom. Non, et des fois, il faut que tu attendes un petit peu parce qu'ils sortent sur l'iPhone en premier, mais là, ça se met à changer. Puis, de plus en plus, les applications sortent sur les deux en même temps. Plateformes. Ouais, c'est ça. Très rapide, par contre. Oui. Je suis sur le LTE. Oui, t'es sur le LTE. Ouais. je suis à sur... Trois-Rivières? Ouais, ouais, ouais. T'es sur le LTE à Trois-Rivières? Ouais, exactement. Écoute, je suis sur le LTE en ce moment. Sur le 3G, moi, sur mon iPhone 5, je comprends pas. Eh ben, en tout cas, on s'en reparle. C'est pas le même fournisseur, là, en non, fait, j'imagine. Rogers? Ouais. Roger... Avec Bell, pour pas le nommer. Clochette! Puis, en fait, le vendeur m'a dit aussi, par contre, si... Est-ce que tu as désactivé le LTE pour ton iPhone 5? Je sais pas. Okay. Ah, peut-être. On va aller voir ça. Non, je suis allé à Montréal récemment. Et il est tombé sur... Il était sur le LTE, ouais. OK, OK. Ouais, ouais, non. Parce que si tu le laisses sur le LTE, à ce qui paraît, la batterie se décharge ça super, doit. Super, super. Mais ton téléphone va super, super vite. Ouais, c'est ça, et exactement. L'internet. Et écoute, moi, personnellement, et là, je passe d'un 3GS à un Samsung Galaxy S3, et puis tabarouette, je trouve ça, c'est rapide. C'est plus rapide que mon ordinateur. Ben, c'est ça, la connexion Internet sur le LTE, c'est plus rapide que n'importe quel Wi-Fi ou n'importe quel modem qu'on a à la maison en ce moment. Donc, essaie-le encore plus longtemps, puis reparle-moi-en. Ouais, parfait, parfait. Écoute, moi, je veux mettre la fin de semaine là-dessus, là. OK. Puis j'essaie de t'en reparler au début de la semaine. Merveilleux. Par contre, vois-tu, je traîne encore les deux. Ouais. Parce que j'ai pas... les contacts. Bon, ben, les contacts, exactement, et le calendrier. Ça, il faut que je change ça. Ouais. Mais si tu les synchronises sur ton PC, après ça, tu peux pas faire un genre de transfert. Une fois qu'ils sont sur le PC, les transférer vers ton... Non, sûrement pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est une bonne question. Ouais. Donc, on s'en reparle, François. Ouais, on s'en reparle. J'espère que tu vas être heureux avec ça. On va voir. Sinon, écoute, j'ai deux semaines pour changer. Ben, c'est ça. C'est quand même le fun, ça, comme option. Et, tu sais, moi, je veux ton plaisir, François. Je veux vraiment tout le temps ton plaisir. Fait que tu vas m'exciter. Je vais t'exciter un petit peu. Voici, c'est un fait, Kinky Sexy Time Edition. Oh, yeah. Mmh. Oh, t'as bien l'air, ça. Ouais. Hein? Donc, commençons avec ce fait-là ici. Une étude prouve qu'avoir des relations sexuel dans une voiture, ça peut améliorer tes habiletés au lit. OK. Pourquoi? L'espace est réduit? Je sais pas, j'imagine que c'est capable de manier dans un aussi petit endroit et aussi inconfortable dans un lit où t'as de la place. Y'a rien qui t'arrête. Nothing's gonna stop us, comme ils disent. Ensuite, Hitler et Napoléon. Qu'est-ce qu'il y avait en commun Hitler et Napoléon? Hitler, Napoléon... Bonaparte. Il y avait tous les deux un seul testicule. Ah! Il leur en manquait un. C'est masculin, le testicule, en passant. C'est le fun à savoir. C'est pas pire. Pas si pire. Sinon... Ah, ça ne veut pas se charger. Ben, passons au suivant. Je vais finir par le trouver. Les couples qui se serrent, tu sais, se serrer hein, régulièrement. Un gros câlin. Ont 10 fois moins de chances de tomber en dépression que ceux qui ne font que s'embrasser pendant leur relation sexuelle. Donc, ceux qui se serrent, qui se collent. Ah ouais? Ouais. C'est cool, quoi? Ouais, c'est cool. À l'époque médiévale, une des raisons, en fait, qui pouvait mener au divorce, en fait, qu'on pouvait utiliser pour se divorcer, c'était l'incompétence sexuelle. Il fallait montrer ça, faire une démonstration devant la cour, une démonstration d'incompétence sexuelle. C'est pour devant tout le monde. Il fallait une raison. Ouais, devant tout le monde. C'est impossible de tomber enceinte avec la première éjaculation d'un homme. Ça prend entre... Là, on parle de sa première éjaculation de sa vie. Là. Pas pendant cette session-là. Là. Tu comprends? C'est juste pendant toute la vie au complet. Ça prend entre 1 et 3 ans après la première éjaculation, avant que tu puisses tomber enceinte, dans le fond. Avant que tu puisses imprégner. Imprégner une femme. C'est bien dit. Imprégner, mon Dieu. Presque le quart des professionnels de la santé mentale ont déjà eu un contact sexuel avec leurs patients. Peu importe. Presque le quart, selon une étude. En moyenne, les gens vont passer 2 semaines dans leur vie à embrasser quelqu'un. C'est mini debout, 2 semaines, pas si pire. Une étude médicale en Pennsylvanie, montre que les gens qui ont des relations une fois ou deux par semaine, en fait, leur système immunitaire est plus fort que ceux qui n'ont pas autant de relations que ça par semaine. Eh bien. Donc, tu encourages quand même, tu donnes une bonne raison de le faire. Ah ouais, là, on le fait pour ça. Biochimiquement parlant, le sexe, c'est pas tellement différent de juste manger du chocolat. Manger du chocolat et la relation sexuelle, biochimiquement, il n'y a pas de différence ou presque. Ça cause la même chose encore. À l'époque médiévale en France, les femmes qui trompaient leur mari devaient chasser un poulet à travers la ville nu. Tu courais après un poulet nu. 88% des femmes ne trouvent pas le chest d'un homme, ouais. Le chest, particulièrement sexy. Sans chandail ou rien, c'est genre juste voir un chest nu d'homme, ils trouvent pas ça particulièrement sexy. On parle de 88% des femmes, selon une étude. OK. L'origine, je crois que je l'ai déjà fait celui-là, mais bon, si je devais ne pas faire ce que j'ai fait, là, je ferais pas grand-chose. L'origine du mot pénis. Ça vient du latin, ça veut dire queue. Comme okay. Littéralement une queue, tail. Ensuite de ça... Non, ça, j'ai essayé tout de faire, ça. Non, rien. L'association dentaire américaine dit que le sperme, ça enlève la plaque mieux que du rince-bouche. Matt, voyons donc. Voyons donc. 7h22. 7h22. Ah, j'ai averti que c'est kinky sexy. Un homme... ouais, c'est ça. Est-ce que, encore une fois, je me demande si je l'ai déjà fait. Un homme s'est injecté de la cocaïne dans son appareil, son engin, pour améliorer sa performance sexuelle. Dedans. Et il a fallu qu'il se fasse enlever une jambe et 9 doigts. Et moi, je m'étais fait compter une fois. Là, c'est comme une rumeur plus ou moins véridique. Là, du moins, je l'espère du plus profond de mon cœur. Que un patient, en fait, s'était rentré de l'urétane. Tu sais c'est quoi l'urétane? Non, c'est quoi? C'est comme de la mousse isolante en canette, là, sous pression, et qui gonfle, en fait, qui prend de l'expansion. Lui, il s'est dit, ça va me donner un plus gros... Ben, en tout cas, il s'est rentré ça dans la lurette. Donc, puis c'est extrêmement collant, là, après, là, c'est incroyable. Si t'en as juste un peu sur les mains, c'est incroyable. Tu l'as pendant, écoute, minimum une semaine là, à te laver les mains, là. Normalement, là. Mais c'est incroyable, j'en revenais pas. Écoute, c'est un espèce de running gag, là, quand on veut parler de choses un peu bizarres. Ouais. Ben, j'aimerais ça chercher ça. Une méchante bonne idée. Ouais, bravo, madame. Donc, si on vient au gars avec la cocaïne... Ah, c'est un gars. son engin est aussi tombé. Il s'est pas juste fait amputer la jambe et 9 doigts. Ah. Son chose est aussi tombée. Les boxeurs, on parle des culottes, là, ont été inventés par Jacob Gollum. C'est le fondateur de Everlast. On connaît encore la compagnie Everlast. Ouais, pour les c'est lui qui a créé ces shorts-là pour les boxeurs, en fait. Vraiment, là on parle des sportifs, là, les boxeurs, ceux qui font la boxe. À Hollywood, dans les années 30, le code Hays, le Hays Code, disait qu'un baiser à l'écran ne pouvait pas durer plus de 3 secondes. Et les couples à l'écran devaient, évidemment, si on sait, dormir dans des lits séparés. T'sais, ça a été parodié dans La Petite Vie, entre autres. Quand même, c'était le code Hays dans les années 30 à Hollywood. Eh bien. Au Royaume-Uni, on dit que c'est légal d'avoir des relations sexuelles avec sa tante, ses oncles et ses cousins. Ah ouais? Ton oncle, tes cousins, c'est légal. Pourquoi pas, tu sais? Ben ici, j'imagine que ça doit être légal, non? Ouais. J'imagine qu'il n'y a pas de loi qui interdit ça. Bonne question, faudrait demander à Michel Lebrun. Hein? Mm-hmm. Il trouvera peut-être bizarre. Ouais, drôle de question quand même. Hey Michel, je peux-tu te parler? Écoute, c'est illégal. En Écosse, tu sais, les mamars, il y a les mamars, des montagnes, ça, les mamars en Écosse. Il y a les Paps of Anu en Irlande et les Tetons aux États-Unis. Tetons, Ricky! C'est ça. Okay. C'est toutes des montagnes, exactement. Donc, ce sont des montagnes qui sont nommées en hommage... en hommage aux saints. Des saints, des poitrines. Teton, on avait compris. Ouais, maman. Papsovanou, j'imagine que ça veut dire quelque chose. Des mamors, aussi. Hein? Ouais, c'est... Songer. Ben, c'est songer. Puis là, ben, il veut toujours pas se charger, celui-là. Fait que ça va finir, là. Hey, c'était plate, un matin? Ben, j'accrois. Ben non, c'était pas super. Voilà pour C'est un fait Kinky Sexy Time Edition. C'est génial. J'espère que vous allez voir chouiner ça dans le... Vous avez trouvé ça dur comme collègue. Ouais, dur à écouter. Bon, hey Matt, écoute, on pourrait aller en publicité, essayer de rejoindre en fait la formation Rouge Pompier. Uh-huh. Revenir en entrevue avec ça. Qu'est-ce que t'en penses? Tire la sirène. Tire la sirène. On écoute pour l'instant. Après Rouge Pompier, on parlera avec Bleu Police puis Jaune Taxi. Et où l'ambulance? Oh! Quelle couleur, ça? Jaune. Comme un taxi, mais pas le même jaune. Plus jaune moutarde. Jaune malade. Ouais. yeux m'aident. Et fixe de tous ces culs et kick dans mon écran. Pas de clos, je suis tout nu. Je regarde en photo, j'entends des trames sonores. Bon, ben quoi ça a l'air, plus dans dehors. Au retour, je veux pas faire peur à personne, mais je vois un serpent dans le studio. Puis, ouais. Il est beau, par exemple. On va lui parler et à notre invité après la pause. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9 heures. Backlines de Stars à Assemblage requis, il est 7h34 minutes en ce jeudi matin. Et François-Olivier Marchand est là. Mathieu Plante aussi. Et on a des, en fait un invité spécial par téléphone. Toi. Oui, tout à fait. On a le chanteur de la formation Rouge Pompier. Bon matin, Jesse. Hey, bon matin, les gars. Comment ça va? Ça va, c'est l'heure que je me couche d'habitude. Donc la soirée a été longue quand même hier et... Ben en fait, c'est ça, j'étais un oiseau de nuit, fait que dans le fond, je me suis couché à 5h30 tantôt du matin, puis 2h plus tard, je suis à la radio. Ben mais Titi, t'as une bonne voix par contre. Ouais, hein? Ouais. Hein, mais je me suis réveillé 10 minutes avant pour être sûr que je ne sois pas trop scrap. OK, ça marche. Ça fonctionne bien, ouais. En même temps, j'écoute vos belles voix, les gars, puis je me dis que je suis à la hauteur, t'sais. Bon. Écoute, on va parler un peu de Rouge Pompier. J'aimerais ça que tu me présentes un peu la formation Rouge Pompier, c'est qui? Eh bien, grosso modo, en fait, Rouge Pompier, c'est c'est un projet qui me permet d'être un peu moins jaloux des autres bands sur le label. Fait que dans le fond, en gros, sur l'étiquette de la musique, j'ai beaucoup de bons bands qu'on gère au bureau, mais qu'aussi qu'on va nous-mêmes voir en spectacle. Puis la pire chose à ma vie, je pense, c'est d'aller voir ces bands-là en show, puis de me rendre compte que je faisais pas de musique depuis un an et demi environ. Puis Rouge Pompier est né de ça, finalement. T'sais. OK. OK. Et oui, vas-y. Ben, c'est ça. J'allais dire que dans le fond, moi puis Alex, on est un duo parce que aussi, l'idée folle est arrivée après avoir été voir un show au Metropolis que ça peut peut-être être un truc possible. Mais moi, à la base, je suis un bassiste, je suis pas un très bon guitariste. Fait que j'ai décidé de jouer de la guit, ce qui est la pire idée ever qu'on pouvait avoir. Mais finalement, ça a donné un bon résultat parce que c'est des chansons qui sont plutôt basées sur une guit qui sonne comme une bass note. OK, il y a des chansons qui parlent de quoi, disons, sur l'album Kevin Bacon? Ah, ça parle pas de Kevin Bacon, ça, c'est ça. OK. ça parle de surtout, on a décidé que les sujets, c'est un sujet que tu pourrais être sûr et certain que finalement, un autre band n'aurait pas fait exactement la même tune. OK. Fait que je te donne un exemple, là. Hier, il tirait 180 millions au Powerball aux États-Unis, là. Oui, la loterie. On s'est posé la question ce qu'on ferait avec 580 millions, puis finalement, ça l'a donné une truc qui s'appelle « À cheval sur ton patio ». Okay. À cheval sur ton patio. Bien sûr. Évidemment. C'est parfait. On voulait être sûr et certain que personne a eu la même idée. Je pense qu'on a réussi à ce coup-là. Je pense que c'est impossible qu'il y ait quelqu'un là. Oui, t'as bien raison. Hey, puis, écoute... non, ça m'aurait surpris un peu, mettons, que les Breastfeeders arrivent avec une toune qui s'appelle « À cheval sur ton patio » et qui disent « Fuck, ils ont le même sujet que nous autres. » Ouais, ça aurait été assez, assez bizarre. Hey, écoute, le titre du disque, Kevin Bacon, pourquoi? Pourquoi Kevin? Ouais. Pourquoi s'attaquer à mon Kevin? On s'attaque pas à lui, c'est spooky qui s'attaquerait à Kevin Bacon, c'est malade ça. Il gagnerait. Ouais. C'est comme le Chuck Norris. Ouais, mais c'est il est comme plus sa coche que Chuck Norris. C'est juste que les gens le savent pas encore. Là. Ça va venir. Mais justement, vous êtes à combien de degrés, vous, de Kevin Bacon? T'sais, on connaît la blague, tu es tout le temps à 6 degrés de Kevin Bacon. Si ouais. Un acteur a joué dans un autre film, puis qu'il a joué dans un autre film avec Kevin Bacon, moi. Nous, on a fait rapidement un calcul, mais je pense qu'on se situe à 3 degrés de séparation, là. Dans le fond, il s'agit de connaître presque personnellement un acteur québécois qui a joué avec Rémi Girard, puis t'es correct. Ben, ça fait le tour. Puis, t'es à combien de degrés, mettons, d'une tranche de jambon? Oh boy, ça, c'est 0 degré, man. Je suis un jambon. Bon, tant mieux. Sinon, ouais, c'est ça. Donc, Kevin Bacon, c'est le nom de l'album. Rouge Pompier, c'est le nom du groupe. Pourquoi avoir choisi Rouge Pompier et non pas, mettons, Jaune Taxi? Ben, dans le fond, je vous écoutais tantôt, là, je vous ai trouvé bien, bien clever d'avoir passé à Bleu Police. J'étais comme, oh mon Dieu, ils sont bons, ils ont trouvé le contraire de Rouge Pompier. Hey, pas pire, hein? Quel jour d'animateur clever, non, on dit futé, on m'appelle le vif, hein? Le vif. Ouais, non, mais tu sais, j'étais un peu déçu que t'avais pas dit jaune ambulance, là. T'as dit jaune taxi, j'étais comme, oh, c'est pas le même jaune, là, tu sais. Non. Écoute, grosso modo, dans le concept du band, il y a une chose qui est sûre, là, c'est quand t'as fait. Mettons, quand t'as fait pas mal de Muse à un moment donné, tu finis par t'entendre pour dire que la prochaine fois que t'auras un band, tu serais moins chier avec des détails, puis tu irais plus avec l'inspiration du moment. Je te dis que quand t'es deux, c'est encore plus facile, parce qu'il y a jamais personne qui arrive puis qui a envie de jouer un peu sécuritaire, puis qui dit « Oh, c'est ça, là, les gars, qu'on devrait faire ça. » Fait que finalement, tout ce que tu proposes comme première idée reste. Fait que donc, Rouge Pompier, c'est la première idée pour le nom du band, ça a resté. Le nom de l'album, c'est presque ça aussi. Puis aussi, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que Rouge Pompier, on avait l'intention de puncher, mettons, avec le premier coup de poing, on avait pas envie de répéter 15 fois le nom du band ou le nom de l'album. Fait que ça, c'est vraiment réussi, parce que dès qu'on dit le nom du band, ça reste. Dès qu'on dit, surtout quand on dit le nom de l'album, ça reste aussi. Puis ça va avec le reste de la commercialisation de l'album, genre... C'est quand tu vas sur notre site web là, puis tu vas acheter des affaires, ben, on a décidé nous autres qu'on vendrait des cassettes. Fait qu'on a comme décidé qu'on aurait aussi des Walkman jaunes de Sony Sport à vendre avec nos cassettes, tu sais. Cool. Ah, c'est très cool ça. Fait que ça fit avec le concept, genre, tu vois, sur le site, tu te souviens que t'as déjà vu que la merch de Rouge Pompier avait des Walkman jaunes de Sony Sport, là. Ben oui. Ça rappelle la jeunesse, je veux dire, au Rouge Pompier, les petits camions, là, tu sais. Écoute, pour vrai, ça a crissement pas rapport avec, avec ça. Grosso modo, ça vraiment juste rapport parce que. J'arrêtais pas de dire aux bands du label que c'est important de se trouver un nom de band qui était pas trop long pis qui était punché, genre idéalement un nom à 3 syllabes. Fait que je me suis posé la question longtemps, qu'est-ce qui serait le meilleur nom à 3 syllabes, pis Rouge Pompier, je trouvais que du premier coup d'œil. C'est ça. Ben tu sais, Kevin Bacon, ça aurait été trop de syllabes. Luxonné, par contre, ça aurait marché, ça. Oh là, par exemple, t'amènes un bon sujet. Ben, je le savais, tu sais, il faut bien que j'en ai un à un moment donné. Écoute, faut que tu comprennes quelque chose. Nous autres, on a fait 8 concerts dans notre vie en tant que Rouge Pontise. Et dans chacun des concerts, on a demandé aux gens que si on avait la chance de faire un deuxième album, il fallait choisir un titre, on se fiait à eux pour nous aider à trouver le titre, il fallait que ce soit un nom d'acteur. Puis que si la ville, si on choisissait un nom d'acteur qui avait été dit dans la ville, qui avait été retenu dans la ville, ben c'était là qu'on faisait le lancement. Et puis Luc Sonnet a été je crois, dit à Chicoutimi. Si jamais l'album s'appelle Luc Sonnet, on va faire notre lancement à Chicoutimi. Et t'es en train de dire que je suis pas un grand original, encore une fois, comme plusieurs pins de suite dans la même entrevue. Mais non, c'est pas ça. C'est que sur les 8, c'est juste une fois que c'est sorti Luc Sonnet. Ah, ouais. Fait que t'es bon. Moi, puis nous autres, on l'a trouvé bon, ce titre-là. Eh oui, merci. Bon. Écoute, on va parler du spectacle qui s'en vient ce samedi. Ça se passe à l'appart. Est-ce que tu peux nous présenter, en fait, avec qui vous jouez? Ouais. En fait, grosso modo, ce qui était vraiment poche, c'est qu'on avait décidé de venir jouer à Trois-Rivières, puis que finalement, les dates marchaient plus, puis tout ça, puis ça nous avait bien déçus de pas être capable de booker cet automne une date. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est allé crosser un band local de Trois-Rivières. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'on a checké ce qu'il y avait comme show dans le coin, dans la région. Et puis là, on s'est rendu compte qu'à l'appart, le 1er décembre, il y avait un show avec les 8 Babins puis un band local que je ne sais pas c'est qui. Puis nous autres, on est arrivés puis on a comme dit au gars qui avait la date, le gars des 8 Babins, finalement, « Hey, on peut-tu jouer avec vous autres? On peut-tu faire le show? » Fait que finalement, la proposition, c'est qu'ils nous ont dit, « Écoutez, les gars, vous êtes à Québec aussi avec Olinéa puis Ripé. Fait que pourquoi vous rajouteriez pas au show Rouge Pompier, Olinéa, Ripé, plus les 8 Babins, faire un petit gros show à l'appart? » On a dit, hey, bonne idée, on fait ça, mais qui a pris le bord, c'est le band local. Fait qu'on fait une excuse. Hey, c'est bon. Donc, en plus, on est tellement genre le genre de band qui veut tout savoir sur les bands locaux. Ouais. Dans chaque ville, on pose des questions au monde, on essaie de trouver les groupes obscurs régionaux, pis tout ça. Puis malheureusement, là, on a bonne paix le band local, on se trouve bien cheap, là, en tout cas. Vous ferez pardonner un jour, de l'autre façon. Ouais, c'est une soirée à quatre, là, c'est les 8 Babins, Rouge Pompier, Olinéa, puis Ripé. Puis sérieusement, c'est un esti bon bill, puis vraiment, j'ai sur le net, une action, puis je suis content, là, j'ai hâte de faire chaud. Là. Et ça commence à quelle heure? C'est 8 heures, là. Ça va commencer assez tôt, parce que vu qu'il y a 4 bandes, puis chacun joue à peu près 45 minutes chaque, avec les change-up, là, pas que ça finisse à 2 heures du matin, je pense que les portes sont à 8, puis que ça commence rapidement. OK, parfait. Et évidemment, c'est à l'appart, ici, à Trois-Rivières, au centre-ville. Après ça, mais en fait, vous faites comme une tournée, là. Vous arrivez aussi, là, si on va voir sur votre Facebook, en fait, là, on peut voir que vous avez quand même viré pas mal ces derniers temps. Écoute, c'est quoi vos plans d'ici? Est-ce qu'on peut s'attendre à un nouvel album bientôt? Ou? Non, l'album vient de sortir. L'album est sorti au mois d'août. On a juste une toune de sortie à date. C'est le début. Dans le fond, les 14 shows qu'on avait prévus cet automne, des shows qu'on avait prévus il y a à peu près un an, quand on avait décidé de faire l'album, on a dit « OK, gamme, on va faire l'album, mettons, au mois d'août, on va laisser le temps au monde de checker s'ils peuvent pogner un peu le CD puis écouter ça, puis nous, on va booker des dates. » Fait qu'on a booké à peu près 14. Puis après ça, le janvier-février, on va tomber mort un peu pour donner un break à nous autres aussi. Okay. Puis après ça, mars, avril, tout l'été, d'un festival, ça, patente-là, là, ça va être... Ça repart pour l'automne. On a vraiment l'intention de tourner l'album pendant au moins un an et demi, deux ans. OK, formidable. Parfait. Mais justement, pour se quitter, on pourrait peut-être écouter n'importe quelle pièce selon ta propre décision. On va pas te mettre de règles, tu choisis n'importe quoi, même si c'est quelque chose qu'une radio comme nous autres jouerait pas d'habitude, n'importe quoi. Tout ce que tu veux, n'importe quoi. OK, ben écoute, on a parlé d'Achevel sur ton patio, c'est sûr que ça va jamais jouer ailleurs qu'à votre radio, c'est une super bonne tune que le monde aime en show, fait que pourquoi qu'on jouerait pas ça? Ben merveilleux, on l'écoute à l'instant, Achevel sur ton patio de Rouge Pompier. On salue Kevin Bacon, évidemment aussi. Surtout Kevin. En passant, Kevin Bacon est bien fier de vous autres, les gars, vous parlez de lui, puis il est fier. Merci. Luc Sonnet aussi, j'imagine? Ouais. Luc Sonnet, ça va être dans 2 ans, mais qu'on sorte d'un autre album. Okay. Ben tu vois, mais que tu sortes un prochain album, tu sais, à la place d'appeler ça Achevel sur ton patio, tu appelles ça genre à Split dans ton salon, n'importe quoi. Ouais, ça peut être à cheval avec Patrick Bruel aussi, mais ça peut être... Patrick Bruel, pas... C'est quoi sa chanson, lui? À qui de droit? Ouais. Qui de droit? Oh, mon Dieu! Incroyable! Le titre de la chanson de Patrick Bruel, c'est « Mettons la toune de Rouge Pompier, c'est meilleur ». Ah, ben parfait, ben la voici. Merci beaucoup. Merci, Jesse. Rouge Pompier, Jesse. Merci, les gars. Allez vous coucher. En fait, vous... OK. à cheval sur ton patio. À cheval sur ton patio de Rouge Pompier, c'est sur l'album Kevin Bacon et c'est à Assemblage Requis. On écoutera une autre pièce de Rouge Pompier plus tard dans l'émission, mais avant ça, on parle d'exo-découverte, une exposition de reptiles familiales, François. Oui, avec Sophie, une des organisatrices. Oui, bon matin blanc. Bon matin blanc. Le premier. Yeah. Est-ce que tu avais participé au pool de neige, non? Personne ne fait ça, hein? Non. Les pools de neige. Ben non, moi, je suis plus exotique que ça. Ouais. Pas mal plus spécial. Et on aime ça de même. Ben oui, c'est ça. Moi, je casse un peu la neige, là. Ouais. Ben oui. T'es avec nous avec un serpent entre les mains en ce moment. François, tu devrais prendre ton nouvel Android puis filmer tout ça. Ouais, ah, je pourrais prendre une photo, hein? Ben oui, on va mettre des images. Et aujourd'hui, c'est ça, donc on parle d'une exposition de reptiles familiales qui a lieu le 1er décembre, c'est samedi. Oui. Entre 10h et 17h. Une journée consacrée à l'herpétologie. J'imagine aucun lien avec l'herpès. Non, aucun. Mais rien à voir. L'herpétologie, en fait, c'est la science qui étudie les reptiles et les amphibiens. C'est un peu le même genre de terme comme on dit, mettons, vous savez, les oiseaux ou même les insectes, l'entomologie. Ouais. Les oiseaux, là, je cherche mon mot, excusez-moi, matin. Mais donc, c'est un mot qu'on entend moins souvent, ouais, mais ça a rapport avec tout ce qui est reptiles, avec tout ce qui est cette catégorie d'animaux. Je cherche mon mot, l'ornithologie pour les oiseaux. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, il va y avoir une vingtaine d'exposants lors de cette journée-là. Quel genre d'exposants est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Oui, en fait, ça va être vraiment cool parce que où est-ce qu'on est situé? C'est dans un gymnase au Collège La Flèche. Okay. C'est 8000 pieds carrés de reptiles qu'on vous offre en fin de semaine. Eh, c'est énorme, là. Oui, mais c'est pas un reptile de 8000 pieds carrés. Non. C'est gros, là. Non, on combine là, parce que 8000, c'est long, là. Tu sais, on les met un arrêt de l'autre. Non, je vous niaise. Non, c'est ça. Puis, dans le fond, dans les exposants, j'ai une vingtaine d'exposants, dont Monsieur Reptile et Repticlic, qui sont les deux organisateurs de l'événement. Repticlic étant un forum dédié vraiment à l'herpétologie aussi. Nous, on est là. Il va y avoir une quinzaine d'exposants qui sont là avec des animaux pour vous en parler, pour vous les faire toucher. Il va y avoir quelques organismes aussi sur place, dont le Centre de la biodiversité, la SPA. Il va y avoir des associations herpétologiques de Québec puis de Montréal aussi qui s'en viennent nous voir pour vous parler de ce qu'ils font puis aussi vous montrer des bébites. Fait qu'on va avoir vraiment de tout. Puis on met même une belle section entomologique, c'est-à-dire les insectes. Oui. Parce que la relation que les humains ont avec les reptiles, c'est vraiment très près de ce qu'on a aussi avec les insectes. T'sais, si on parle des phobies, des choses exotiques, des couleurs, il y a quand même pas mal de liens qu'on peut faire. Puis même la chaîne alimentaire, il y a certains reptiles qui vont manger des insectes. Ben, c'est ce que j'allais dire, exactement. Mais pas celui que tu as entre les mains en ce moment, que François vient prendre en photo. Ça mange plus des rats. Oui, c'est ça. Tarzan, dans le fond, que j'imagine que tu vas peut-être pouvoir voir des photos, oui. Lui, ben, c'est un jeune serpent, c'est un python royal. Lui, il va manger pas mal exclusivement des rats parce que c'est ce qui est le plus proche de ce qu'il va manger en milieu naturel. Puis c'est en milieu naturel, justement, ça peut ressembler à quoi? J'imagine qu'il prend un peu ce qu'il passe. Oui, ça va être plus opportuniste parce que, écoute, il peut pas choisir tant son snack. Il va prendre ce qui est possible pour lui manger. Là. Mais quoi, des rats. Ça vit où exactement? En Afrique. OK, en Afrique. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a des rats en Afrique? Ben, ça sera pas un rat comme on connaît ici, mais il y a des petits rongeurs là-bas qui vont faire vraiment la même. C'est la même affaire. Là. OK. Lui, il est bien content avec ça. C'est-à-dire qu'il mange pas de souris parce que c'est pas assez rempli de vitamines, je pense. Ben, comme on disait tantôt, il pourrait en manger, mais les rats, c'est meilleur, c'est plus consistant pour lui. Parce que, tu sais, mal pris, on pourrait nourrir aux souris, là. Okay. Ouais, il mangerait quand même, lui. Il ferait pas son difficile. Là. Non. Il passe sa grandeur complète, hein? Non, là, lui, il doit faire à peu près 2 pieds, je dirais. Il va se rendre à peu près à 5 pieds adultes, là. Et quel âge qu'il a, là? Il aurait environ 3 ans. OK. Ouais. Un petit jeune. Pour se rendre à son niveau adulte, ça prend combien de temps environ? Ah, d'après moi, 5-6 ans, il va avoir pas mal sa longueur. Puis ça vit une quinzaine d'années. Okay. Mais tu sais, c'est relatif parce qu'on en a un autre, puis ton royal, qui a dépassé le 25 ans. Fait que, okay. C'est vraiment relatif. Ils mettent une moyenne, mais il y a des serpents qui n'ont pas lu les livres. Fait qu'ils autres, ils continuent de grandir pareil puis d'être avec nous autres, puis on est bien contents. J'ai entendu dire que t'en avais un qui s'appelait Kevin Bacon pour faire un lien avec l'entrevue d'avant. Là. Ben oui, on est en train de se marier, nous autres, pendant la chanson, parce que, j'ai un neuromastic qui s'appelle Kevin Bacon. Là, je dois avoir mon chum qui est crampé en deux à la maison, que je parle de mon lézard. Mais oui, c'est assez drôle. Ouais. Si on vient à Exo Découverte, je sais qu'il va y avoir des mini-conférences pour toute la famille. Donc, on va pouvoir en savoir plus sur vraiment toutes les sortes de reptiles et d'insectes qui nous intéressent. Ben oui, là-bas. C'est ça. En activité parallèle, parce que vraiment, la main, c'est l'exposition de reptiles avec la section entomologique. Il y a d'autres activités pendant la journée, dont les conférences, comme tu viens de mentionner. Il y en a trois grandes. Il y en a une par Monsieur Reptile sur l'évolution des reptiles. Il y en a une par Repticlic qui va parler du forum de reptiles pour justement présenter ça aux gens, parce que ceux qui ont un intérêt, ils vont être bien contents de découvrir ça. Il va y avoir aussi un des gars qui est là avec ses insectes, Dominique Ouellette, qui va nous faire une petite conférence aussi sur les insectes. Fait que ça va faire vraiment des beaux sujets variés, très intéressants. En plus des conférences, il y a bien évidemment à 14h la nuit exotique. Mm-hmm. Ça va être vraiment le moment assez spécial de la journée, c'est-à-dire on fait une visite dans le noir. Fait qu'à 14h, on plonge le gymnase dans le noir pour être éclairé seulement par la lumière ambiante des animaux. Fait que ça va être vraiment la comme lumière ambiante des animaux. Ouais, eux autres, ils ont chacun leur petit éclairage pour faire vraiment une ambiance plus tamisée. OK. Puis pour le chauffage aussi, j'imagine. Ouais, ben ça, le chauffage, on garde ça tout le temps. Mais c'est pas les lampes qui chauffent. Tu sais, mettons le Terrarium. Ben, tu sais qu'il y a plusieurs façons de chauffer. Okay. Oui, il y a les lampes chauffantes, mais il y a des tapis chauffants, il y a des corps chauffants. Il y a plusieurs façons de garder une température haute pour les animaux. Okay. Mais tu sais, dans un endroit comme ça, fermé pour un laps de temps court, il n'y a aucun problème. Là. OK, OK. Cool. De toute façon, eux autres, dans leur pays, la nuit, les températures, ils droppent. Ben, okay. C'est ça. C'est normal. Il y a une mascotte aussi, Click, le crocodile qui va être là. Ben oui. Les enfants. Il faut venir le voir parce que Click, il est en feu. Il danse partout. Oui. Pas littéralement. Non. Il va danser partout. Il y a des surprises pour les enfants. Écoute, et ça va être vraiment le party avec Click. Ils peuvent se faire maquiller aussi, les enfants. Oui. Il va y avoir quelqu'un pour ça. Ils vont pouvoir se faire leur lézard préféré ou des princesses. Écoute, on est ouvert aux princesses. Mais oui, ça va être assez... on accueille beaucoup les petits. Fait que même, je dirais qu'en bas de 3 ans, pour eux autres, c'est nos invités. Ils rentrent gratos. Ah, c'est cool. Ouais. Sinon, c'est sûr, il y a des coûts d'entrée aussi reliés à l'activité. Pas cher quand même du tout. Mais non, puis en plus, ça va pour une super bonne cause. L'entrée générale est 8 $ mm-hmm. Puis l'entrée pour 10 ans et moins est 5 $ Puis ça, ces sous-là qu'on ramasse, dans le fond, c'est le monsieur reptile qui prend ça pour les soins aux animaux, pour ceux qu'on récupère et pour ceux du zoo aussi, mais particulièrement les petits nouveaux qui arrivent un peu comme des cheveux sur la soupe. Ça va être pour eux des autres. Des poils, qu'on dit avec les animaux. Moi, mais eux, ils n'en ont pas de poils. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, okay. Comme une écaille. Non? C'est ça, des écailles dans la soupe. Voilà. Bon, ça marche. Puis on fait aussi un don pour Repticlic, justement, pour qu'ils puissent continuer leurs belles activités et faire la promotion, justement, de tout ce qui est herpétologique et tout ça. Fait que c'est à ce niveau-là, dans le fond, qu'on utilise les sous. Là. Et pour plus d'informations sur l'événement, c'est Monsieur Reptile sur Facebook. Ben oui, on écrit ça au long. Pas faire d'abréviation, vraiment écrire Monsieur au long, puis venez nous rejoindre. Puis même ce qui est pas pire, si ça vous intéresse, il y a un concours en vigueur là. Okay. Il vous reste jusqu'à ce soir, 10h. Il y a un laissez-passer familial qu'on fait tirer sur Facebook. Donc, vous pouvez aller tenter votre chance puis peut-être être notre invité. Faut aimer la page, j'imagine, partager les informations aussi. Oui, c'est ça. On va sur la page, on nous fait un beau j'aime sur Monsieur Reptile et puis on descend un petit peu. Puis le concours est vraiment évident. Il est en gros, là. Parfait. C'est facile à trouver. Génial. Parfait. Donc, on rappelle que c'est l'événement Exo Découverte, exposition de reptiles familiales. C'est samedi 1er décembre de 10h à 17h et c'est au Collège La Flèche. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Ben, ça nous fait plaisir. Et dis salut à Kevin Bacon, vraiment, ben toi oui. aussi. Ça finit la revue pareil comme l'autre avant. C'est ça, t'sais. C'est parfait. C'est ça mon running gag. Et puis, comment ça s'appelle celui-là? Tarzan. C'est Tarzan. Tarzan, salut Tarzan. Oui. Ah, il est beau pour vrai. Il est vraiment ben oui, beau. Il est beau. Ouais. Au début, j'étais comme pas certain, mais... Mais on savait pas qu'elle l'avait parce que il était dans un petit sac puis ça paraissait pas du tout. C'est comme si tu traînes ça comme un vagabond. Mais non, c'est ça, je suis rentré incognito avec Tarzan, moi, là. Oui. Écoutons. J'espère qu'il a mis son manteau ce matin. Oui, bon, on partageait le même. Ah, OK. Ah, donc, merci encore et samedi, 1er décembre. Ben oui, à samedi. Collège La Flèche. On retourne écouter une autre pièce de Rouge Pompier qu'on a reçu en entrevue tantôt. Voici leur classique des palmarès. C'est fou, c'est paquet de choses parce qu'il va y avoir un paquet de choses à Exo Découverte. C'est un lien de marre. Puis ça commence avec des mouches dans la chanson. Tu comprends? T'as-tu entendu? On va te refaire jouer le début. C'est des mouches, regarde ça. C'est beau, tu les entends pas. Laisse faire. Pompier, la pièce Paquet de choses à Assemblage Requis. On va terminer l'heure ici et on va se retrouver tantôt avec Maxime Bétuy et sa chronique ciné et télé. On va aussi recevoir François Landry avec sa chronique Logocratie 101. On va parler de politique. C'est ce qui s'en vient. Mais pour l'instant, on écoute l'Info Campus. Restez là. C'est fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. De retour à Assemblage Requis, c'est la deuxième heure. Et moi, c'est Mathieu Plante, puis c'est François-Olivier Marchand. Et je crois que Tarzan est enfin prêt à parler à la radio. Il était gêné tantôt, le serpent Tarzan. Il se présente au micro. C'est pas grand-chose, par contre. C'est... Mais on va mettre la photo sur Facebook pour vous prouver qu'il était, il était capable. En tout cas, il était sur le micro. Donc, il était proche de parler. Là. Il était proche. Mais bon. Il collabore pas aujourd'hui. Mais que voulez-vous? On va mettre ça tantôt. Ouais. Dans quelques secondes, Maxime Bétuy, sa collègue ciné-télé. Je pense qu'il a peur dans son coin en ce moment. Voici l'indice, c'est faire du bruit. Yeah. dès lundi, c'est faire du bruit à Assemblage Requis. François, t'es en train de mettre les photos du serpent Tarzan sur Facebook, ça sent bien? Ah, écoute, je suis en cours d'exécution. Je suis pas rapide. Puis là, tu chiales parce que mon iPhone n'envoie pas de vidéo sur YouTube. Tu dis, je veux-tu que je te passe mon Android? Ça marche pas plus ton affaire, hein? Non, attends un peu, ça marche pas plus. J'ai même pas essayé. En fait, je m'apprêtais à. Je regardais. J'étais encore dans le mode photo. Bon, faut pas que tu m'en veux, j'ai lu hier. D'ici la fin de l'émission, ou en tout cas après l'émission, on aura Tarzan, le serpent, sur la page Facebook d'Assemblage Requis et de C'est Fou. Mais avant ça, Maxime Bétuit est arrivé en studio. Bon matin. Bon matin, si ça peut vous rassurer, le micro est visqueux. Oui, un petit peu visqueux. mais en même temps, Caroline, il faut ce qu'il faut. Hein. Oui, c'est vrai. T'as partagé ton micro avec une rockstar des serpents, là. Oui, mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Est-ce que t'aimes ça, toi? Non, pas du tout. Mais apparemment, vous, oui. Je tiens à dire aux auditeurs qu'ils sont au taquet sur leurs photos de serpents. Oui, tout à fait. Ben, François lui a touché. Moi, j'ai pas osé y toucher, par contre. Ah. Je suis un petit peu... T'es un peu entre les deux, quoi. Un petit peu, exactement. C'est ce qu'on dit tout le temps de moi. Donc, on parle de ciné, de télé, on ne dit jamais ça, on le dit, mais c'est pas vrai. Hein? De quoi? Qu'est-ce qu'on dit pas? Que je suis entre les deux, je sais pas. Je sais même pas ce que ça veut dire. Entre les deux quoi? Ah ben c'est ça, entre deux sièges avec mes grosses fesses. Donc, on commence avec la nouvelle ciné de la semaine, Maxime. Oui, la fermeture de la plateforme de téléchargement Mega Upload ne profiterait pas au cinéma. Oh. Vous le savez, le site avait fermé l'an dernier après l'arrêt par le FBI de son fondateur King.com. Eh bien aujourd'hui, une étude de la Munich School of Management et de la Copenhagen Business School viennent en effet de publier les résultats de leurs travaux. Concrètement, cette étude montre que la fermeture du site n'a pas engendré une augmentation des recettes du box-office mondial. Elle aurait même eu des effets négatifs sur les revenus des films indépendants et des films d'auteurs. Alors forcément, on ne sort pas de telles informations comme ça à la va-vite. Les auteurs de cette étude ont analysé les profits générés par 1344 films diffusés dans 49 pays, le tout sur une période allant de 2007 à aujourd'hui. C'est donc en comparant la période avec Mega Upload et sans Mega Upload que les chercheurs ont pu constater que sa disparition n'avait pas vraiment servi à l'industrie du cinéma. Ils avancent même l'hypothèse suivante, Mega Upload était une sorte de réseau social du téléchargement. Mm-hmm. Je vous explique, les films indépendants et les films d'auteurs n'ont pas les moyens de faire la promotion façon La Relève du Chevalier Noir pendant la mi-temps du Super Bowl. Alors, pour qu'un de ces films se fasse connaître, il passe généralement par la case festival ou alors c'est le bouche-à-oreille qui génère sa popularité. Autrement dit, on parle d'un film, on a envie de le voir et comme en général on a du mal à le trouver en DVD, eh bien on paye pour le télécharger sur Mega Upload. Le site était donc une sorte d'outil marketing pour ce genre de film. Le débat reste néanmoins ouvert. C'est tout à fait logique. On continue avec une récompense de plus en plus... pour le film français L'Artiste. Et oui, le film de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo n'en finit plus de décrocher des récompenses. Souvenez-vous, l'OVNI cinématographique avait fait une razzia à la dernière cérémonie des Oscars en décrochant pas moins de 10 statuettes, dont celle du meilleur film et du meilleur acteur pour Jean Dujardin. C'est pour cette raison que le film est entré dans le Guinness Book des records, puisqu'il est le premier film d'un autre pays que les États-Unis et du Royaume-Uni a remporté l'Oscar du meilleur film, ce qui veut dire que depuis l'existence de la cérémonie en 1929, il n'y a que des films américains ou anglais qui avaient remporté le titre. La France fait donc à présent partie de ce club très fermé. L'artiste, c'est quoi déjà ce film-là? L'artiste, c'est le film en noir et blanc et muet. Oui, tout à fait. Voilà. Ça a l'air intéressant ce film-là. On passe à l'actualité des franchises et autres sagas en cours. Saga, c'est bien ça? Saga? Oui, oui, oula, petite voix. Pas grave, non, je voulais pas dire sage, une autre sage, je trouvais que ça m'a pas. Twilight est mort, vive Hunger Games! Le premier film ayant réalisé un box 700 millions au box office mondial, pardon, 700 millions de dollars. Vous doutez bien que la suite est déjà en marche avec Hunger Games, l'embrasement. Oh, oui. La suite a été tellement mise en chantier rapidement qu'elle a engendré le départ du réalisateur Gary Ross. Mais pas de panique, il est remplacé au pied levé par François Lawrence, à qui on doit notamment Constantine et Je suis une légende. Le réalisateur a même signé pour adapter le dernier épisode de la trilogie qui sera, comme le veut maintenant la tradition, divisé en deux films. Le premier logo animé c'est un teaser de teaser. Oui, voilà, il vient de tomber alors que le tournage n'est même pas encore terminé. Enfin, il devrait cependant se finir vite puisque Jennifer Lawrence, interprète de Katniss, devrait reprendre son rôle de Mystique dans le prochain X-Men, intitulé Days of Future Past, dont le tournage devrait commencer en janvier 2013. Reprendre le rôle de Mystique dans le sens que c'était une autre actrice qui jouait avant? Ouais. Ah? Parce qu'ils ont... Ils ont pas rebooté, mais ils ont fait redémarrer si on fait la chose. Jennifer Lawrence et Francis Lawrence. Il y a une parenté, non. On sait pas. Non, non pas du tout. C'est, voilà. Lawrence doit être un nom répandu aux États-Unis. C'est assez répandu. on continue avec quoi? Oui, justement, on a appris que cette semaine, les deux célèbres acteurs Ian McKellen et Patrick Stewart, alias Magneto et Professeur X dans la trilogie originelle, donc les trois premiers épisodes, feront leur grand retour dans ce nouveau film. La raison de leur retour est bien simple, l'intrigue de Days of Future Past comprendra des voyages dans le temps et autres dimensions parallèles. Donc ne vous inquiétez pas, James McAvoy et Michael Fassbender interpréteront toujours leur rôle de Professeur X et de Magneto dans la version des années 60. Le film est prévu pour juillet 2014 et sera réalisé non pas par Matthew Vaughn, qui a préféré laisser sa place à Brian Singer, le réalisateur de la première trilogie. La boucle est bouclée, donc. Mm-hmm. Alors, on continue avec une mauvaise nouvelle pour le Hobbit de Peter Jackson. En effet, les héritiers de l'écrivain de J.R.R. Tolkien ont décidé de porter plainte contre les studios Warner qui accusent d'abuser des droits sur les produits dérivés des films adaptés de l'œuvre britannique. Les ayants droit ne plaisantent pas avec leur héritage et estiment que le studio ne respecte pas les termes de son contrat original sur les produits dérivés. Je cite, « Le contrat original attribue à Warner les droits de vendre au public les produits dérivés courants à l'époque, comme des figurines, de la vaisselle, de la papeterie et des vêtements, etc. » Il n'octroyait pas les droits sur l'exploitation de produits électroniques ou numériques, relève la plainte dont l'agence France Presse a obtenu la copie. Le timing de cette plainte est évidemment très bien choisi. Il intervient à une poignée de jours avant l'avant-première mondiale de The Hobbit en Nouvelle-Zélande, le 28 novembre prochain, enfin hier en fait, de la sortie du film le 12 décembre. Le groupe Warner s'est refusé à tout commentaire. On imagine cependant facilement qu'un accord financier sera trouvé entre les plaignants et la major. On ne saura jamais le montant par contre, oui, ça s'arrange juste de leur barre. Mais l'addition risque d'être sacrément salée, surtout lorsqu'on regarde par exemple uniquement les recettes engrangées par le studio pour la première trilogie de Peter Jackson. Ah, ça fait de l'argent ces choses-là. The Hobbit, ça va être un incroyable succès. Je pense, ouais. Et je vois Mathieu Plante qui se prépare, puisqu'on enchaîne sur... Alerte Star Wars! Alerte Star Wars! Alerte Star Wars! Décidément, on n'en finit plus de parler de cette nouvelle trilogie trois fois en trois semaines. Je crois qu'on va renommer la chronique « Alerte Star Wars ». La semaine dernière, je vous parlais de la nomination de Lawrence, encore un, Kasdan et Simon Kinberg au scénario des nouveaux épisodes. Eh bien, ces deux Jedi de l'écriture auraient vu leur mission évoluer puisque la production leur aurait demandé de développer l'écriture ou du moins le projet d'un spin-off visant à développer les aventures de personnages spécifiques de la saga. Spin-off, c'est comme un dérivé. Ça. Ouais, voilà. À la manière de X-Men Origins Wolverine, en fait, si vous voulez, dont la volonté de Disney serait de décomposer l'univers Star Wars un peu à la manière de ce qu'elle a fait avec Marvel, en avouant que la stratégie s'est avérée payante avec Avengers. L'univers Star Wars est quand même un peu moins vaste, bien qu'il offre de multiples possibilités. Enfin, la question, c'est plutôt, est-ce que trop de Star Wars, d'un coup, tue le Star Wars? Bah, c'est ça la question. Et est-ce qu'ils vont tellement dérouler leur dérivée? Est-ce qu'ils vont faire un genre de film sur Jar Jar Binks? On sait pas, là, ça pourrait arriver. Oui, voilà. Mais après, les jeux vidéo, c'est pareil, ils sont partis quand même dans plusieurs directions. Exactement. Ça, des tentacules partout. On passe à l'actualité des séries maintenant. Et bien sûr, impossible de ne pas commencer sans parler du décès de Larry Hagman, l'inoubliable JR de Dallas. L'acteur nous a quittés en succombant à un cancer le 23 novembre dernier, accompagné de ses proches Linda Sue Ellen Gray et Patrick Bobby Duffy. Larry Hagman s'est éteint à l'âge de 81 ans à l'hôpital de Dallas. Cette ville lui aura décidément collé à la peau toute sa vie, puisqu'il y avait commencé sa carrière au début des années 50. Passé par le théâtre, le cinéma et la télévision, donc, c'est surtout sur petit écran qu'il obtiendra la consécration. D'abord dans la sitcom Jenny de mes rêves. Ah, j'adore. Ah ouais? Oui, non, je trouve ça très bien. Je me suis dit, entre 1965 et 1970, qui a bien pu regarder ça? Bah, ça a joué en reprise tellement longtemps, c'est classique. C'est classique. Mais surtout dans Dallas, où il campera l'infâme John Ross, J.R. Ewing, le mania texan au chapeau durant les 357 épisodes des 14 saisons que durera le show. Wow. Un rôle qui fera sa gloire au niveau international, sa fortune, et lui vaudra 2 nominations aux Emmy Awards et 4 citations au Golden Globe. Touché par différents problèmes de santé, une transplantation du foie, un cancer de la gorge, Larry Hagman partagera ensuite sa carrière entre cinéma et télévision, notamment en guest star dans 2 épisodes de Desperate Housewives en 2011, et surtout dans le rôle de J.R. et Wing dans les 10 premiers épisodes du nouveau Dallas, initié par la chaîne TNT. Ils viennent de commencer, je crois, leur deuxième saison quand il est décédé, donc c'est triste. Une série récemment renouvelée pour une deuxième saison, donc, de 15 épisodes, mais qui devra donc survivre à son personnage iconique, JR, qui avait failli mourir assassiné lors de la saison 1979-1980 dans le célèbre épisode « Who Shot JR ?». Il vient de faire ses véritables adieux à Dallas, du coup. Sans pouvoir le faire, littéralement. Voilà. Malheureusement, il n'a pas pu faire son au repos. Il n'y a aucun doute sur le fait que la disparition de Hagman va forcément bouleverser le tournage en cours de cette deuxième saison. Le sixième épisode venait d'être terminé lorsque la mort de l'acteur est survenue. Les scénaristes vont donc devoir faire preuve d'imagination pour expliquer le départ et certainement la mort du plus vilain des Texans. La production devrait faire une pause prochainement afin de leur laisser le temps de réécrire les scripts des épisodes suivants et d'offrir ainsi au personnage ses 35 ans de règne des adieux à sa hauteur. Ben c'est ça, parce que faut écrire quelque chose autour de ça, parce que les épisodes étaient déjà écrits et c'était basé autour de JR, donc ça va être vraiment difficile à accomplir. J'espère juste qu'ils vont pas faire des graphiques par ordinateur et essayer de le ramener à la vie comme dans les films. Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? À TNT, non. La présence de JR dans cette nouvelle version de la série n'était pas une évidence, cependant, du moins pour Larry Hagman, qui a bien failli ne pas faire partie de l'aventure. Cynthia Sidre, la créatrice, qui avait écrit pour le personnage sans savoir si l'acteur accepterait de revenir. Ah, je savais pas. Une grande partie du pilote lui était en effet consacrée. Après des mois de négociations entre Warner Bros., les producteurs et l'acteur au cours desquels un nouveau script sans lui avait été écrit au cas où, l'icône a fini par accepter l'offre salariale proposée. Surtout le salaire, j'imagine aussi qu'il voulait redémarrer sa carrière en même temps. Oui. C'était fini un petit peu depuis longtemps. Toutefois, à quelques semaines du tournage, alors que la pré-production était terminée, le comédien a annoncé qu'il était à nouveau atteint d'un cancer. Alors il a été décidé de ne faire figurer JR que dans les 4 premiers épisodes. Et finalement, remis plutôt que prévu de son traitement, il avait pu reprendre le chemin des plateaux rapidement et participer à tous les épisodes de la première saison, qui en comptait 10. Compliqué. Voilà. Bah, quelqu'un qui guérit du cancer plus vite que prévu, c'est quand même tant mieux, notable. C'est ça. Si seulement ça avait pu durer. Ah non. La saison 2 de Dallas devrait débuter comme prévu sur TNT le 28 janvier prochain. Son record d'audience, certainement. Peut-être, oui, sûrement. J'imagine qu'après ça, ça n'a pas le choix de... Souvenez-vous, on doit au personnage le troisième plus gros score pour un épisode de série dans l'histoire de la télévision américaine en novembre 80, lorsque les scénaristes ont répondu à la fameuse question qui était dans la tête de tous les Américains, qui a tiré sur JR. 76% de la population américaine était alors au rendez-vous. C'était Maggie Simpson. C'est quand même énorme. Non, ça, c'est dans l'épisode qui faisait référence à... Facile de se mélanger entre Dallas et les Sims. On termine avec une nouvelle qui va apparemment me ravir, hein, c'est ça? Oui, puisque c'est officiel, Mathieu Plante, Ben Savage Daniel Fischel reprendront leurs rôles respectifs dans Girls Meets World. Oh, ça va être génial. C'est la suite de Boys Meets World, actuellement en développement chez Disney. Je vous l'annonçais, il y a 2 semaines, Disney a annoncé la préparation d'une suite de sa série diffusée entre 93 et 2000. Intitulé Girl Meets World, ce séquel sera axé sur la fille de Cory et Topanga, le couple phare de la version originale. Ben Savage et Daniel Fischel, qui tenaient alors les rôles à l'époque, ont confirmé qu'ils se glisseront à nouveau dans la peau de ces deux personnages emblématiques qui ont fait leur popularité. Après les avoir suivis sur les bancs du collège, du lycée et de l'université, le public pourra les retrouver dans leur nouveau rôle de parents unis et heureux. Et cette fois, c'est cette fois Riley, leur progéniture, une jeune fille de 13 ans qui découvrira les joies et les peines de l'adolescence. Développée par Disney Channel, avec aux commandes Michael Jacob, l'un des co-créateurs et producteurs de la série originale, Girl Meets World a d'ores et déjà reçu la commande d'un pilote. La production cherche activement une perle rare susceptible de jouer la jeune héroïne. C'est ce qui me fait peur d'un côté, parce qu'ils cherchent la perle rare qui va faire le plus d'argent pour Disney Channel. C'est clairement ça, la prochaine Anna Montana. Par contre, ce qui m'encourage beaucoup, c'est le fait que Michael Jacobs, le créateur original, comme tu disais, fait partie de la série. Donc, il va vraiment, je pense qu'il se laissera pas faire. Parce qu'on a fait plusieurs séries, et puis il fait apparemment pas mal ce qu'il veut. Parce que c'est de la qualité jusqu'à maintenant. Donc, on applaudit Girl Meets World. Tant mieux pour Mathieu Plante. Tant mieux pour moi et juste moi. Au Québec, peut-être. Pas grand que moi. Mais non, Boy Meets World, la série originale, si vous voulez vous procurer les DVD, sont pas chers pendant tout en ce moment. Ah bah oui. Je me doute que ça ne doit pas valoir des milliers. Bah, t'es drôle, toi! Ouais. C'est une série culte. On les trouve encore? Ben oui. Ah ouais. Tu ris de moi, toi. C'est pas possible. C'est presque ta dernière chronique. Tu t'en vas bientôt. Dors de mon studio dans. Non. Ramenez le serpent. Non. Au secours. Où est Tarzan quand on a besoin de lui? On m'envoie Jane. Si Jane est un serpent, non. Si Jane est une femme, oui. Oui, Jane est une femme, tout à fait. Ben, si on m'envoie Jane, on peut ramener Tarzan n'est pas un serpent, là-bas. Non, je sais pas. Non. Est-ce que tu as vu Tarzan, Mathieu? J'ai vu Tarzan. Oui. Un Tarzan, mais pas le Tarzan. C'est comme on parlait de Kevin Bacon, c'était pas le Kevin Bacon dans l'émission. Ah, Kevin. C'est pas celui, ça. Subtil. Comparaison. Ça mène nulle part. Merci, Maxime Bétis. Merci. Jeudi prochain, 8h, hein, c'est ça? Jeudi prochain, 8h, t'as pas. Oh, oui. Pour l'instant, avant de passer à la chronique Logocratie 101, ça sent bien ça, François. Est-ce qu'on a le sujet? On a le sujet. Hein? Est-ce que tu l'as avec toi? Oui, donne-moi juste une petite seconde. Ouais, je vais faire ça. Chante un petit peu, là. Ben voilà, on est sur Facebook et puis on regarde la programmation, bien chaud. C'est beau chant, ça recule encore et les vers sourient. Je pensais avoir la chance de chanter la chanson de Boy Meets World encore. Beauchamp, quoi? Oui, Lynn Beauchamp, j'imagine. Je pense que tu parles de mon Beauchamp. Ça recule encore et les vers sourient. Ah! Tant mieux. Tant mieux. On en parle tantôt avec François Landry. Pour l'instant, voici Bio Bazar et dans le chant de Higgs. Sur C'est fou, dans vos oreilles. c'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Il est 8h30 minutes exactement, assemblage requis, et François-Louis Marchand est toujours là. Mathieu Plante aussi. Mm-hmm, on est encore en train de partager des photos et des vidéos du serpent qu'on a eu tout à l'heure en première heure d'émission. Et la vidéo va être postée dans 2 secondes, mais avant ça, on veut même pas que vous y allez tout de suite, fait qu'on vous dit dans 25 minutes à peu près, le temps d'écouter François Landry nous parler, en fait, et de discuter avec lui. On peut rien que laisser monologuer toute la demi-heure quand même. Hein? Non, quand même pas. Mais non, quand même. Tu sais, à un moment donné... Hein? Ça se fait à trois, ces affaires-là? Ça se fait à trois. Il y a plein de choses qui se font à trois. C'est toujours plus agréable que le somme verbal. Mmh. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Bonjour. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Salut François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Ça va? Oui, trop bien. Trop bien. Oh, c'est une belle journée. Il y a eu de la première neige. Ouais. Écoute, il fait froid. Ah, je suis content. Puis François a eu peur d'un serpent. Fait que... Comblé. Hein? Comblé. Écoute, comblé. Mon bonheur total. Tu as vu sa face dans la vidéo, donc clairement. Il rouvre la poignée de porte pour se sauver avec le serpent. Pas sûr, mais je pense qu'il y a la chaîne. Bon. Un serpent en studio, c'est bien la première fois que c'est arrivé. J'espère que ça va se reproduire à chaque année. Hein? Oui, j'ai pas l'occasion, en fait, d'en prendre souvent. Là. Vous m'excuserez, M. Landry. Donc, ben, chez nous, il y a des couleuvres, au moins. Ouais, des couleuvres, c'est. Il y en a. Plus régulier ici au Québec. Aujourd'hui, on parle de quoi, Mme Beauchamp? Le titre, je l'ai intitulé Beauchamp, Bip Bip et les Verts. Quelque chose de même. Là. Ça ressemble attends un peu, je vais te dire ça. Je pense qu'il l'avait tantôt. Ouais, je te l'ai donné, c'est juste que je ne l'ai pas noté que sur ma feuille, mais. Sujet de demain. Beauchamp, ça recule encore et les Verts sourient. Ah, bip bip, comme on entend à côté de notre pavillon parce qu'il y a de la construction, puis ils sont tout en train de reculer, on dirait. Oui, exactement. Bip. C'est pour ça, j'ai toujours le réflexe. Dès que j'entends le camion reculer, j'entends PQ, PQ, PQ dans ma tête. Ça, c'est l'affaire. François Landry. On part tout de suite là-dessus. On va se craquer tout de suite. Ouais, écoute, c'est la semaine passée, on s'est auto-siphonné aussi. Siphonné, pompé, c'est ça. Là, je sais plus à quoi qu'on est rendu aujourd'hui. Je pense qu'on va se flageller mutuellement. Et oui, le gouvernement marois va encore une fois reculer sur ses engagements pris en élection, en campagne électorale. Qu'est-ce qui se passe? La semaine prochaine, le gouvernement va déposer sa refonte de la charte de la langue française, mais elle ne soumettra pas, tel que promis, l'accès au collège anglophone à la disposition de la loi 101. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Explique-nous ça. Présentement, primaire, secondaire, t'es obligé d'envoyer, si t'as des parents francophones, d'envoyer ta progéniture à l'école française. Donc, ton enfant, quand tu es francophone, tu l'envoies au primaire français ou au secondaire français. Tu peux pas l'envoyer dans un établissement anglophone. À moins que t'aies des parents... T'aies un des deux parents qui soit de confession ou de culture... D'origine anglophone. Là, t'as un passe-droit. Ou que tu l'envoies dans une école privée et que là, tu payes pour ça... Là, du privé, il peut aller dans l'anglophone. Donc, ça, c'est les écoles passerelles qui sont présentement là, dans la mire du gouvernement parce que c'est des passe-droits. Puis, on ne rentrera pas dans la technicalité. C'est très complexe à comprendre. Là, le gouvernement péquiste, donc très nationaliste durant la campagne électorale, a dit « Nous autres, on veut étendre l'accessibilité francophone au cégep et aux universités. » Bien, minimalement, dans les cégeps. Donc, on va réformer la loi 101 pour dire « Cégep, c'est... » en français seulement. Donc, t'as pas le droit d'aller à Dawson College ou les autres que j'oublie leur nom. Là, il y en a plein d'autres collèges anglophones au Québec si t'es d'origine francophone. Le gouvernement... Vas-y. Là, tu vas me gréquer? Ouais, je te laisse quoi tu veux. Là, Pauline Marois, elle refuse, mais c'était prévisible parce qu'elle a toujours été contre cette proposition-là. Ça provenait de son aile nationaliste. Au congrès du printemps 2011, donc assez récent, l'aile la plus radicale du PQ, aiguillonnée par Pierre Curzi. Donc, tu sais, Pierre Curzi, le grand acteur. Bon, c'est qui? Virginie, peut-être? Oh, entre autres, Bessinet. Chose, là, qui avait des lunettes jaunes. Bon, ouais. C'est ça. Elle avait fait entrer dans le programme du PQ l'application de la loi 101 pour les collèges anglophones, une mesure qu'avaient combattu en leur temps Lucien Bouchard et Bernard Landry. Par la suite, le président du PQ lui-même, Raymond Archambault, avait confié à des députés péquistes que cette intention ne serait pas retenue dans la plateforme électorale du parti. Donc, Bisbee, déjà en partant pour le parti. Dans le parti. Quoi? Dans le parti. Ça, c'est chose commune. Ouais, on s'entend là-dessus. On s'entend que c'est rendu bénin à cette heure, une chicane. Ça, tu ne fâches pas avec ça. Non, je pense que là, ouais. Peinant alors à rester à la tête du PQ, Mme Marois avait consenti à contre-cœur à maintenir cette décision-là. Parce qu'on se souvient aussi, en 2011, Mme Marois, sa tête était sur le bio. Ça en prenait peu. Donc, le projet de loi sera déposé la semaine prochaine à l'Assemblée nationale pour consultation au début 2013. Mais il y a un bug, un gros bug. Interdire aux anglophones, interdire aux allophones et aux francophones le droit de fréquenter le cégep en anglais pose des problèmes légaux. Il s'agit... C'est des étudiants majeurs, donc ils peuvent demander que soit respectée leur liberté, leurs droits. Mais... selon la Charte des droits et libertés canadiennes. Mais c'est ça. Ouais. Mais c'est le gros bon sens. Ben dans le sens où, écoute, tu commences à t'affirmer. Puis je pense que si tu as été à l'école, en fait, tu as fait ton primaire, secondaire en français, bon, tu maîtrises quand même bien la langue. En théorie, oui. En théorie, oui, parce qu'en pratique, écoute, ça peut être tout autre chose. Oui. Mais écoute, d'empêcher ça... C'est n'importe quoi. Mais ben, est-ce que ça encourage pas les gens qui veulent vraiment étudier en anglais à juste aller étudier ailleurs au Canada? Ça vont s'en aller, c'est pas mieux. Entre autres, oui. Donc, au primaire, secondaire, il faut avoir une langue de base, le français, donc bien la contrôler. Et une fois rendu au cégep, fais ce que tu veux, mon homme. Fais ce que tu veux, t'es même pas obligé d'y aller au cégep. Là. Non, même pas. Parce que l'école obligatoire, c'est 16 ans. Donc, après 16 ans, t'as le droit de faire ce que tu veux. Finis au moins ton secondaire 5. Et ensuite, choisis, fais ce que tu veux. Comme dit Mathieu, si tu veux aller étudier en Ontario en anglais, vas-y en Ontario. Si tu veux étudier en France en français, vas-y en France en français. Fais un professionnel, fais quelque chose. Donc, parmi les nombreux adversaires de ce projet, la Fédération des cégeps a aussi mis de l'avant des statistiques qui démontrent que la situation n'est pas alarmante pour l'anglicisation des étudiants. Et les cégeps, là où le bas blesse pour le gouvernement du Québec, c'est que les cégeps ne relèvent pas de la loi sur l'instruction publique. C'est indépendant? Ça fait partie de la loi sur l'enseignement supérieur. Oh. Donc, et l'enseignement supérieur, selon la loi, n'est pas soumise à la loi 101. Donc, il faudrait qu'ils révisent trois lois juste pour obliger quelques dizaines de milliers d'étudiants d'étudier en français. Même encore là, il n'y en a pas beaucoup, là. Non, c'est ça, exactement. Et si tu viens d'une région, les chances que tu ailles d'un cégep anglophone sont très minces, on s'entend là-dessus. Ouais. Puis en même temps, écoute, si tu veux y aller, justement, tu vas te déplacer, tu vas aller à Montréal ou, tu sais, justement, tu peux aller. C'est comme, gars, moi, je vais aller voir un film en anglais, je vais voir à Laval. C'est ça. Puis t'as le droit. J'ai le droit, je vais pas. Je m'excuse. Oh, non. Demande pas mes cartes de parents anglophones pour aller voir un film. T'as-tu ta carte de français? À tout vouloir contrôler. Ouais. Non, c'est ça. Là, c'est pour ça que le PQ s'est tiré dans le pied, mais il recule encore parce que c'était sa promesse. Il voulait réformer la charte, ils vont le faire, mais ils vont dégager ça. La loi 101, donc l'enseignement supérieur de la loi 101, donc ils toucheront pas. Donc c'est pour ça que je l'ai juste appelé bip bip bip, parce qu'un camion qui recule. Ça recule. Puis le Parti québécois, il recule. Puis oui, je suis entièrement d'accord pour une fois avec toi, François, que J'étais totalement opposé à l'obligation de fréquenter les collèges d'enseignement supérieur en français. C'est une liberté individuelle, de un. C'est assez grave. Et de deux, c'est pas au cégep que l'on s'intègre à la culture française. Non, c'est parmi ses pairs, oui, avant ça, mais rendu à l'âge adulte, c'est parmi ses pairs, mais surtout sur les lieux du travail. Oui. C'est plutôt sur les PME, les grandes entreprises, qu'on devrait favoriser la francisation des termes du travail. C'est là que ça passe, pas dans les collèges. Collège, ça en prend une deuxième langue. On est en Amérique, désolé messieurs, là, mais ça prend une deuxième langue pour pouvoir être... pas fonctionnel, mais au moins être... Mais pouvoir communiquer avec les autres. Être compris, minimalement. Avec les gens qui nous entourent. C'est ça, minimalement. Juste pour les séries télé, c'est le fun d'avoir une oreille anglaise. C'est ça, parce que sinon, t'as pas la qualité. Une qualité moindre. Ouais. Ben, Virginie, c'était pas pire. C'était pas pire. Pierre Curzi, t'es excellent. Je l'aurais jamais écouté en anglais sous-titré français, toi. Virginie. Bonne nouvelle pour le Parti vert du Canada. Je veux garder le Lynn Beauchamp pour la fin. C'est plus... Hot! Ouais, parce que je suis content, c'est pour ça. Il y a eu 3 partiels au Canada. On en a tellement entendu parler au Québec. 3 élections partielles. C'était sarcastique en passant. Oui. OK, parfait. Moi, j'avais quoi? C'est le Parti vert du Canada qui a le plus gagné dans ces élections-là. Mais vous allez me dire, là, Elisabeth May n'est plus la seule députée verte au Parlement. Ben oui, elle est encore la seule, mais tous les postes... Exemple, à Vancouver, c'était le parti, le NPD qui était là. Donc, quand le député s'est fait sortir, et là, il y a eu une partielle, c'est encore le NPD qui a gagné. À Calgary, c'est un conservateur, c'est un autre conservateur qui a gagné. Donc, ça change rien dans la structure de la Chambre, mais le Parti vert a monté ses appuis en flèche. Dans Victoria, par exemple, la circonscription qui est juste à côté de celle d'Elizabeth May, Donald Galloway, un peu inconnu pour nous autres, a bien failli causer la surprise, s'inclinant par 1151 voix seulement. Quand même, quand même. Il est arrivé deuxième derrière le NPD. Donc, et on sait que le NPD est très ancré en Colombie-Britannique. Donc, c'est leur base, leur bastion. Et dans Calgary Centre, le candidat vert, Chris Turner, a fait une très bonne troisième place avec le quart des votes. C'est un gain de 15%. C'est quand même immense. Donc là, Elizabeth May dit « Grâce à moi, le Parti vert va pouvoir s'élancer puisqu'enfin, on a une voie verte à Ottawa. » Donc, le Parti vert se réjouit, se pète les bretelles. Mais le Parti vert, j'imagine qu'il doit être plus présent dans ce coin-là. Ben, c'est la force. C'est la... La grosse force des partiels, c'est on peut se concentrer, tout le parti peut se concentrer sur une circonscription. Donc, envoyer toute notre membership, notre argent, se concentrer. Ouais, donc, ça peut être une bonne nouvelle pour les Verts qui ont augmenté, mais c'est en même temps une alerte, une gifle dans le visage pour leur dire t'as mobilisé toutes tes troupes, tout ton argent, puis t'as pas réussi à gagner. Donc, c'est un ou l'autre, c'est une balance. Mais en même temps, tu te bats contre d'autres grosses machines. C'est deux machines, c'est des monstres. Ouais, c'est qui ont des ressources financières pas mal plus. Ah ouais, puis une entité propre, c'est ancré dans les mœurs des électeurs. Donc, bonne nouvelle pour le Parti vert, au moins, on va le souligner pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle à dire de leur côté. Puis ce qui existe, c'est quand même le cinquième parti à Ottawa. Donc, faut le dire. Finalement, je veux terminer avec notre chère Lynn Beauchamp. Hein? On l'aime. Elle nous a tellement fait rayonner au printemps dernier avec son sourire radieux. Et c'est bonne nouvelle qu'elle annonçait. Ouais. Donc, Lynn Beauchamp, vous savez... Qu'est-ce que tu penses avec elle? Vous suivez la commission Charbonneau comme moi. À chaque jour, vous l'écoutez. Hein? Mais je t'avoue que dernièrement, j'ai quand même perdu le fil. Ouais. C'est long, il me semble. On en parle depuis longtemps. C'est long, mais c'est pas fini. Non, ça ne fait que comme... Là, on a gratté seulement. Là. On n'a pas encore passé la scrappeuse. Scrappeuse. Ou comment ils appellent ça? Le compresseur. Le compresseur. C'est les sables qui sont en train de faire devant notre bureau. C'est ça que je sais. Le rouleau compresseur. On dirait que je fais une crise cardiaque à chaque fois. Je suis tout en sueur et en stressage. Ah, tu viens de roue? Écoute, on s'en parlera. Je suis juste à côté aussi. Puis quelqu'un dans le mur, les gars. Je sais. Donc oui, la commission Charbonneau que vous suivez attentivement, c'est terminé hier, a mis un temps d'arrêt pour le temps des fêtes. Ça devait se terminer le 21 décembre. C'est ça? Ben oui, le temps des fêtes, c'est pas 3 mois. Oui, mais Matt, ils ont des cadeaux de Noël à acheter. Écoute, la joue Charbonneau chez Walmart, là, elle va se faire connaître. Il va falloir qu'elle jase longtemps. La madame était contente. Donc, elle a mis un terme à la commission en tant que telle, donc pour la première période, si on veut. Ça va reprendre... En mars. Non, je pense assez tôt, je pense, dès le mois de janvier. Quand même. Dès le mois de janvier, donc c'est pour ça qu'ils prennent leurs vacances avant Noël, avant tout le monde, pour être sûr qu'au Boxing Day, qu'il n'y ait pas trop de gens, qu'ils puissent avoir acheté le rabais, c'est ça. Mais là, à la dernière journée, un enquêteur de l'UPAC, donc qui est de l'unité anti-collusion, l'unité permanente anti-collusion, qui a sorti une liste de clients d'un chic restaurant. C'est le 357C. C'est un restaurant, ça? C'est un restaurant. Okay. Ben, disons que toi puis moi, on peut pas se le permettre. Non? Et si on avait les moyens, on pourrait pas se le permettre parce qu'il faut être dans les bonnes grâces de propriétaire. C'est qui le propriétaire? Catalia, Frank Catalia. Ah ouais? Ouais, monsieur, c'est ça le problème. C'est que c'est la firme Gin Conseil qui est dans l'eau très très chaude, très bouillante ces temps-ci. Un peu comme les pâtes Catalia. Là. Catalini. Catalini, excusez-moi. Je pense que c'est le petit cousin. Ah, donc, peu importe. Donc, c'est lui qui a le restaurant. Donc, c'est lui qui peut inviter chez eux qui veut. Il a le droit. C'est sa bâtisse. Puis, il y en a beaucoup des restaurants comme ça. C'est un club très sélect. Il faut être membre du restaurant. Il faut recevoir une invitation. Et si je veux inviter quelqu'un, il faut que lui se fasse inviter par le Big Boss. Donc, en principe, quand tu vas là, tu ne vas pas te faire déranger. Parce que tu n'auras pas de matante qui vont dire hey, je veux une autographe, Mme Beauchamp. Vous êtes ma ministre préférée. Non, non. C'est tu y vas pour des affaires, pour brosser des affaires ou prendre du bon temps. Mais tu vas à paix. Oui, c'est ça. Tu veux que ça soit bon. C'est ça. Tu veux que ça soit chic, j'imagine. Oui. Écoute. Donc, il y a. Lui, l'inspecteur de la commission, a sorti une liste de membres où il y a environ 115 noms. OK, parce que t'es membre, là. Oui, t'es membre. Donc, c'est un membership. tu te dois d'être inscrit, de renouveler. Si tu veux y aller, sûrement tu as une petite carte là, membre avec ta face dessus puis ton gros sourire. Sûrement. Donc, sur la liste, il y a 2 ministres, 7 élus municipaux et 1 sénateur que la commission Charbonneau va sûrement demander à interroger parce qu'ils sont membres. Un sénateur aussi? Un sénateur. Est-ce qu'on sait c'est qui? Oui, oui, j'ai son nom ici. Pas Jacques Demers? Non, c'est Léo Oussakos. OK. Très, très proche du Parti conservateur. Et très influent dans le cercle libéral du Québec. Donc, pour le financement et tout ça. Puis, très proche de Mario Dumont aussi. On dira, il dit pas trop fort ces temps-ci, mais disons que lui aussi, il commence à être stressé. Mario? Mario, notre ami Mario. Mmh. Oui. Donc, ils sont membres, ils ont été là. Et parmi les 2 noms, la compilation révèle que Lynn Beauchamp, notre ancienne ministre de l'Éducation, notre ancienne ministre de la Culture et notre ancienne ministre de l'Environnement, tout ça qu'elle a fait dans ses derniers moments libres, elle a participé à un déjeuner le 26 février 2007, soit juste quelques jours après le déclenchement des élections de 2007. Donc, c'est un conflit d'intérêts, une apparence de conflit d'intérêts en partant, parce que tu es en campagne électorale, tu vas là. Habituellement, quand tu vas là, tu rencontres des big shots. Tu vas pas là juste avec ta famille pour le fun. Ouais, j'imagine que... Elle était alors ministre de la Culture et elle venait, bon, tout ça. C'est d'ailleurs à ce titre qu'elle a participé à sa 2e rencontre 3 mois plus tard, soit le 18 mai 2007. Madame Beauchamp a dit que ces rencontres ont été tenues à sa demande pour rester proche du milieu des affaires et tout ça. Mais c'était des gens, non pas seulement du milieu des affaires, mais qui provenaient des firmes de génie conseil, des firmes de construction. Et là, aujourd'hui, on parle de firme de construction de génie conseil et tout de suite, on pense mafia. On pense collusion, on pense subvention. On pense croche. On pense croche. Ouais, mais on pense à beaucoup d'argent. Ben, oui, ça c'est clair. T'sais, ils vont pas là juste parce qu'ils s'aiment. Là. C'est, ils vont brasser des affaires. Là. Ben, j'imagine. Écoute, parce que s'il faut que tu sois membre, sinon... Nous aussi. T'sais, comme elle et dit... Et tu connais les autres membres. Là. C'est ça. Comme membre d'un club de golf, tu connais les autres. Oui, tout à fait. Puis habituellement, dans un court de golf, les réunions se passent plus là. Des fois, les entrevues même se font là pour engager quelqu'un et non pas dans le bureau parce que c'est plus des contracts. On voit la personnalité, c'est ça. C'est plus privé. Puis en même temps, si t'es un big shot, moi, je suis un big shot, on devrait bien s'entendre. On est sur la même longueur. Exactement. Donc, elle se défend pour dire « Oui, j'y étais » parce que, bon, mon mari, Pierre Bibeau, l'ancien financier du Parti libéral du Québec, qui n'est plus son mari aujourd'hui, mais à l'époque, il l'était, était lui aussi là. Habituellement, quand lui va là, il amène sa femme qui est ministre, il rencontre des firmes de génie conseil ou de Big Shot. Habituellement, ça doit jaser non pas de « Qu'est-ce qui s'est passé à Virginie hier? » mais bien de « Combien tu me donnes pour ma campagne si je te donne tel contrat? » Ou au contraire, tu me donnes tel contrat, puis je te finance ta campagne, t'as aucun problème. Ça pourrait, OK, je mets le gros conditionnel, ça pourrait être ça. Ouais, parce que là, on n'a pas de preuves. On ne sait pas, là, c'est juste des allégations, des allusions qu'on fait. Lynn Beauchamp serait citée à comparaître devant la commission Charbonneau dès l'hiver prochain. Ça fait mal. Mais est-ce que c'est sûr? Elle va y aller? Là, il y a une conférence de presse aujourd'hui de la juge Charbonneau pour voir la suite des choses. Okay. Donc, c'est là qu'on va vraiment constater. Mais disons que ça regarde mal pour elle. Et il y a aussi Tony Tomassi, notre cher Tony, qui a été démissionné. On s'ennuyait de lui. Lui aussi a été le 2e ministre qui était là avec son la famille à Curceau et compagnie. Donc lui aussi, c'est louche. Je ne veux pas dire que c'est mauvais, mais c'est louche, son affaire. Donc lui aussi pourrait être cité à comparaître devant la commission dès la session prochaine, donc dès le printemps. C'est que là où ça nous réjouit, et tu disais à Mathieu d'entrée de jeu que c'est long, ça tourne en rond. Tu as entièrement raison. Là, c'était des sous-fifres qu'on avait. Donc des gens qui ont surveillé un chantier, oui. Donc toi qui as vu le chantier ici, ben, admettons que tu serais accrédité... pour un syndicat ou ingénieur, tu surveilles le chantier ici. Donc, tu comparais pour dire « Oh, j'ai vu des passes d'argent sur mon chantier. Ouais, » j'ai vu ça. J'ai vu un gars qui fonce dans un poteau puis qui casse puis finalement, il va falloir qu'il répare. Ça va leur coûter cher, je pense. Ouais. Ici, à côté. T'as-tu vu ça? Non. Non, c'est arrivé. J'allais voir ça. Oui. Mais tu sais, nous autres, du public ou des journalistes, c'est qui ça? C'est ce nobody de Mathieu Plante. Là. Ouais. C'est qui ça? Tu sais, dans le milieu de la construction, t'es peut-être un gros, mais nous autres, c'est pas du croustillant. Là. Tandis que là, on va avoir Lynn Beauchamp, Tony Tomassi, donc on se rapproche tranquillement pas vite de la tête du Parti libéral. Mais Rizzuto aussi. Rizzuto, ça c'est sûr, ça n'a pas aidé. Mais là, enfin, le peuple aura un os à gruger. Donc le peuple va pouvoir identifier deux personnalités très connues qui seront sur la sellette. Donc et, là, et qui sont affiliés aussi avec, avec des partis. Ben, exactement. C'est pour ça que là, présentement, à l'Assemblée nationale, les gens marchent les fesses serrées. Hier, c'était juste comique de voir tout le monde dire « Ouais, j'y ai déjà été au restaurant 357C, mais moi, la rencontre est annulée, j'ai bu seulement de l'eau Perrier, je suis parti. » Un autre disait « Ouais, j'y ai été, mais avant d'être ministre, donc ça compte pas. » Ensuite, François Legault, je pense qu'il a été, il dit « Oh oui, j'y ai été, puis on a jasé d'argent, puis blablabla, puis j'étais allé au Saint-Hubert aussi. » François Legault a dit ça? Oh, tu sais, il est bien sympathique, ben lui, il a des contacts et tout ça. Et t'as Amir Kadir et François David, qui eux autres ont fait une conférence de presse pour dire « On y a jamais été, nous autres, on n'a jamais été invités là-bas. » Ça, je suis parti à rire parce que il aurait peut-être aimé ça. Ça me surprend pas, tu sais. Qui voudrait négocier avec un parti de gauche? Non, c'est sûr, écoute. Puis Pauline Marois a dit « Oui, j'ai déjà été, pas plus tard que la semaine passée. J'ai payé ma facture. C'était une rencontre avec des jeunes entrepreneurs. Donc, c'est un restaurant. On s'entend, là. Faut pas l'accuser, ce restaurant-là. C'est juste une place pour souper et jaser. Mais ça dépend avec qui tu soupes. C'est là le problème. Est-ce qu'un ministre aurait le droit de souper avec une firme de génie conseil, avec une firme d'avocats, avec un syndicat? Je crois pas que ce serait le bon endroit, disons. Hein? On peut laisser au moins ça comme, comme problématique, là. Allez donc faire ça ailleurs, dans votre bureau. Mais pourquoi tu fais pas ça chez vous? Ben, il y en a beaucoup de rencontres qui sont dans les sous-sols de banlieue de Montréal, là, ça c'est clair. Mais au moins, là, ça serait pas apparent, ça serait secret. À la limite, louer un chalet, puis allez-y. Ben non, c'est la voie de la facilité, puis c'est convivial, c'est un restaurant comme un autre. Ouais. Tu sais, on se rencontre à soir au El Tao à côté, puis... On va se personne, parler. Personne va nous accuser, mais on peut se parler d'affaires, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est bon, ça. Mais tu sais, on pourrait se parler, puis personne va nous accuser, mais si on parle d'affaires, tu sais, il y a pas de problème, mais... Et c'est dur à savoir, là, en même temps. Écoute, les gens sont pas collés sur... Il y a pas de micro, là. Ben, non, pas encore. Pas encore. On sait pas. On sait pas. Mais disons que c'est pour ça que là, dès la session prochaine, là, les journalistes sont en furie parce que cette bombe-là est sortie hier. Les journalistes aujourd'hui ont envoyé ou mis tous les auditoriaux. J'ai pas encore lu mes journaux, mais je sais qu'ils ont écrit à la commissaire Charbonneau pour dire « What the fuck, là, tu nous sors ça hier, puis là, tu finis ta commission aujourd'hui. » Hey, on en veut plus, là, on veut du jus, nous autres, là. » Fait que non, la commissaire va faire une conférence aujourd'hui pour dire « Ça va reprendre en 2013. » Vous, en temps et lieu, il y aura des convocations. Tenez-vous tranquille, puis ça va. Tout le monde va aimer ça. C'est plate, par contre, parce que j'ai l'impression que ça se termine beaucoup trop tôt. Et si, tu sais, les parties de Noël, ce truc-là, écoute, tu reviens quand même pratiquement un mois en arrière. Ouais. Je trouve que, en fait, les discussions vont être. Ça va peut-être passer un peu à côté, là. Peut-être, mais même les gens vont peut-être être bon. Tannés, mais bon, on verra. Comptez sur moi, c'est sûr, pour dans ma famille en reparler, ça c'est clair. Est-ce que ça brasse dans ta famille? T'es fatigué de même, toi? Hein? Moi, ça brasse, Mathieu, tu dis? Je sais pas. Disons qu'on dans un restaurant, justement, on se fait regarder bizarrement par les autres clients quand on parle de politique. Quand ça crie, non? Ouais. Ça se frappe? Ça, non. Non, pas. Non, on est respectueux, nous autres. Les couteaux à beurre. Tout se règle par la parole. Uh-huh. Non, pas les couteaux à beurre, non. Le beurre dur, peut-être. Le beurre dur, oui. Peut-être. J'ai pas les couteaux, non. Non. C'est tout? Oui, c'est tout pour l'instant. Merci, you. François. Bah, fais plaisir. Thank you, man. Man. Yo, yo. Je suis allé au cégep en anglais. T'es allé au cégep, tout court. Hey, c'est bon, ça. C'est bon. Les couteaux à beurre, Walba. Hey, les couteaux à beurre, Walba. Je m'en ai dit, en plus, comme vois-tu, on s'était pas signé pour cette chronique-ci. Non, ben c'est pour ça que... Je voulais te féliciter, mais faut, là... Non, non, faut que je te lâche une pide. Ouais, on te retrouve jeudi prochain à 8h30. Ouais, monsieur. Pour Logocratie 101. Peut-être. Nous, on retourne encore en arrière un petit peu. Pour ceux qui étaient là, on a reçu un serpent en studio. On n'en revient pas encore. J'ai posté la vidéo au complet. Elle est sur la page Facebook d'Assemblage Requis. La photo de François est là. Et question de lui rendre hommage à ce célèbre Python Royal, maintenant notre Tarzan. Célèbre Tarzan. Voici le groupe El Motor qui va être en spectacle avec. Non, c'est pas eux autres. C'est Olinéa. El Motor. Et les 8 babayes. Exactement. Ce samedi avec Rouge Pompier. Ça, c'est dit. Donc, à la place, El Motor et Pensée Serpent. Les gens se meurent. Et la pièce Pensée Serpent, ça résume l'émission d'aujourd'hui. Assemblage requis, on a reçu le beau Python Royal Tarzan en début d'émission. On vous rappelle, sur Facebook, sur la page Assemblage requis, il y a la vidéo et la photo. Donc, allez-y. J'ai l'air un peu niaiseux de prendre un serpent dans mes mains, là, mais ouais, j'en prends pas souvent. Plus que d'habitude, François. c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui et la fin de l'émission pour la semaine. Ben oui. On remercie tout le monde qui a participé à l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire Maxime Bétuy, François Landry et Sophie. Sophie, exactement. Sophie. Et Jessie de Rouge Pompier. Oui, tout à fait, par téléphone tout à l'heure. D'ailleurs, on rappelle le spectacle de Rouge Pompier qui a lieu samedi. Tout à fait. Même chose pour le salon qui est au Collège La Flèche, Exo Découverte pour voir des serpents et d'autres bébites bestioles. À l'émission lundi, on aura Sébastien Dulutte qui va être de retour avec un éditorial culturel Va voir j'y suis. Alexandra Carignan va nous faire passer un peu de temps avec de la culture, le temps d'une culture. Le temps d'une culture. Et puis plein d'autres choses à l'émission. Restez à l'écoute à 11h, il y aura Dîner de con. Et puis à 13h, il y aura la sécheuse. Je serai de retour à 15h pour les palmarès, c'est fou. Les palmarès, c'est super bon ça. Oui, Alexandra et moi, top musique. 40, hein, c'est génial. Mais là, à partir de 9h, ce sera La Belle et les Bêtes. Et c'est eux qui vont passer la prochaine heure avec vous, suivi du boudoir. Donc amusez-vous. Pour l'instant, on se dit bonne fête semaine. Bonne fête semaine, Matt. Bye François. On se voit lundi. À lundi.